keep it at a flash. Berlin, dollar, livre sterling, mannequin pour darling, vague, montée, jams, bling, niqué, babel, banks, manière vive comme Lynx, avec du bis de crams, faire entrer les big friends, génération Kaido, gamberge paranoïaque, on me dit que tu marches péter le gun sous l'anorak, tu veux des balles ou des claques, t'as de la coque ou du crack, combien je croque si je t'organise la transac, nique la morale, je veux de la racaille libérale, c'est de la street économie, strict et animal, petit le gun, tu le manimal, tu t'affiches à clé léal. À faire passer les sachets aux yan-yan qui veulent du high. T'as la mort du système, mais moi je m'en bats les couilles. Quand je fais mes concerts, mais c'est toi qui me casses les couilles. Tu nuis ton père, ni ta mère, ni ta sœur, frère. Je connais l'enfer aussi, alors tu vas pas me la faire. Pose ton gun, pose la cam, pose, pose les armes, pose ta dégaine, pose ta haine, pose-toi, impose-toi. Les jeunes du bas explosent là. C'est pas les grammes ou les doses qui font qu'on pose là. Pose ton gun, pose la cam, pose, pose les armes, pose ta dégaine, pose ta haine, pose-toi, impose-toi. Les jeunes du bas explosent là. C'est pas les grammes ou les doses qui font qu'on pose là. Savoir dire non, c'est déjà le contrôle de soi. Pas subir la pression de ce type en face de toi. Ils veulent que tu saignes, ils veulent que tu saignes, ils veulent que tu craignes, ils veulent que tu peines. Paysans sous ghettoman, ils veulent que tu consommes, poison se pèse. Que les crevards se taisent, que les richards se pèsent, que les tolards se baisent, que les suceurs se baissent et que les grandes gueules disparaissent sous la presse. Ils veulent piquer les sous des pauvres, se régaler comme des porcs. Que les rappeurs parlent de grosses scènes, musique et de sport. Pas de révolution, que personne s'excite. Programme télé aseptisé pour contrôler ton esprit. Que tu vends ton âme, tant qu'à faire que les délinquants se calment. Tu bouffes de la merde, que les migrés moyens rament. Je dis non à ce merdier, je dis oui au boycott. Je suis pour que tout le monde se lève. Pour que les plans sautent. Pose ton gun, pose la cam, pose, pose les armes, pose ta dégaine, pose ta haine, pose-toi, impose-toi. Les jeunes du bas explosent là. C'est pas les grammes ou les doses qui font qu'on se pose là. Pose ton gun, pose la cam, pose, pose les armes, pose ta dégaine, pose ta haine, pose-toi, impose-toi. Les jeunes du bas explosent là. C'est pas les grammes ou les doses qui font qu'on se pose là. C'est comme un chouin qui contrôle ce pauvre mister. Mec, je contemple ta haine, attise ta grenade, savoir ta fille, c'est moi qu'elle aime. Comme des boss en cause. Passif d'une peine, on se fiche de ta perce. Pisse notre deal, quand tu nous vois, t'es à la renverse. C'était comme un putain Tizer jadis. Les noirs, les robes dehors, ou les voir rentrer au trou, c'est ça que tu kiffes. T'es un flipper quand tu joues ce bordel. Mais goûte notre cocktail, j't'offre mes verres à vie, comme quand t'as dit oui à ta belle. Je suis noir, il va falloir que tu t'y fasses, mec. La chiwam ta fille, c'est dit, là, j't'ai pas pris en traître. On reprend des idées, ou te refiler des idées sales. Man in mic en gros, t'éclaires ça sur ce beat infernal. Ne pas vouloir de nous, nous expose à nos propres moyens. Ne pas vouloir de nous, nous a changé des dents en croc de chien, c'est clair. À présent, on t'es plus mec, on s'expose pour que t'imploses sur ta putain de face, mec. J'tose. Pose ton gun, pose la cam, pose, pose les armes, pose ta dégaine, pose ta haine, pose-toi, impose-toi. Les jeunes du bas explosent là. C'est pas les grammes ou les doses qui font qu'on pose là. Pose ton gun, pose la cam, pose, pose les armes, pose ta dégaine, pose ta haine, pose-toi, impose-toi. Les jeunes du bas explosent là. C'est pas les grammes ou les doses qui font qu'on pose là. Check, Pepe de A Clash. Millennium Beat. Monsieur R. Sachon Dion.